Quand on vit au pays des Indes, il faut savoir parler hindou. Et pour ne pas passer pour une dinde, on doit prendre la vie par le bon bout. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. J'ai connu un vieux à barbiche qui voulait faire du cinéma. En tournant, il devint derviche. C'est comme ça que le derviche tourna. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. Dans le pays, il y a les intouchables, c'est les gens qui n'ont pas de pognon. Mais en France, il y a leurs semblables, ce sont des chèques sans provision. Par Brahma, par Brahma, oh, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, mais oui, c'est comme ça à Calcutta. Le samedi, pour faire leur toilette, ils s'en vont au peuple sacré. Ils n'achètent pas de savonnette. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont un bronzé. Par Brahma, par Brahma, oh, oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma. Mais oui, c'est comme ça à Calcutta. Les hindous n'ont pas de pipelette, pas de facteur, pas de calendrier. Ils se servent de serpents à sonnette et c'est eux qui montent le courrier. Par Brahma, par Brahma, oh, oh, oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma. Oh, le croyez-vous, mais c'est comme ça, et à Calcutta, mais oui. Chez le Roumain, il y a le voïvode. Chez le Cubain, la cucaracha. Il y a aussi la teinture d'iode. Ben aux Indes, il y a le Maharaja. Par Brahma, par Brahma, oh, oh, oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, c'est comme ça, Calcutta.